Ma copine Elisabeth, bête, elle est bête comme ses pieds. Je l'emmène à la campagne, je joue de l'harmonica, elle ne m'entend même pas. Ma copine, elle est ailleurs, elle balade son baladeur, elle regarde pas dehors. Un cheval qui fait pipi, une vache qui fait caca, ça ne l'intéresse pas. Ma copine, elle est crétine, quand je lui ai tout montré, elle me dit faut rentrer. Elle est bête, Elisabeth, elle est bête, bête, bête, elle est bête comme ses pieds. Elle est bête, Elisabeth, elle est bête, bête, bête, elle est bête comme ses pieds. Elle est bête comme ça.